Je ne le néglige pas. Je sais qu'il faut du courage. Mais supposons un instant que quelqu'un le possède, ce courage de luxe, de les suivre, pour enfin savoir à jamais, car qui de nouveau saurait oublier ou confondre cela, où ils finissent par se recroqueviller. Et ce qu'ils font du restant de la longue journée, et où ils dorment la nuit. C'est cela surtout qu'il s'agirait d'établir, s'ils dorment. Mais il n'y faudrait pas que du courage, car ils ne vont ni viennent comme d'autres gens, que suivre serait un jeu d'enfant. Ils sont là, et ils n'y sont plus, posés et enlevés comme des soldats de plomb. On les rencontre en des endroits un peu perdus, mais point du tout cachés. Les buissons s'effacent, le chemin s'incurve légèrement autour du gazon. Les voici, et ils ont autour d'eux un large espace transparent, comme s'ils étaient sous une verrière. Tu pourrais les prendre pour des promeneurs pensifs, ces hommes sans apparence, de forme si menue et si modeste sous tous les rapports. Mais tu te trompes. Vois la main gauche, comme elle s'étend vers la poche oblique du vieux par-dessus. Comme elle trouve et retire, comme elle tient en l'air le petit objet, d'un geste gauche et provoquant. Une minute à peine, et déjà deux ou trois oiseaux sont là, des moineaux curieux, qui s'avancent en sautillant. Et si l'homme réussit à se conformer à leur très précise conception de l'immobilité, il n'y a pas de raison pour qu'il ne s'approche pas davantage. Et enfin, elle s'élance et volette un instant nerveusement à la hauteur de cette main, dont les doigts, sans prétention, et qui renonce visiblement, tant de Dieu sait quel brin de pain douceâtre et usé. Et plus nombreux sont les hommes qui, à distance respectueuse, bien entendu, s'assemblent autour de lui. Moins il paraît avoir avec eux de très commun. Il est là comme un chandelier qui achève de brûler et luit encore avec le reste de sa mèche et en est tout chaud et n'a jamais bougé. Et comment il attire et comment il les charme, c'est ce dont tous ces petits oiseaux ignorants ne sauraient naturellement pas juger. Les téléspectateurs, et si on le laissait attendre assez longtemps, je suis certain qu'un ange tout à coup viendrait et surmonterait son dégoût et mangerait cette vieille bouchée de pain douceâtre dans cette main rabougrie. Mais comme toujours, les gens empêchent que cela arrive. Ils font en sorte que seuls des oiseaux viennent. Ils trouvent cela suffisant, et ils affirment qu'ils n'attendent rien d'autre. Qu'attendrait-elle donc cette vieille poupée fatiguée par les pluies, plantée en terre un peu de biais, comme les anciennes figures de proue dans les petits jardins de chez nous? A-t-elle été dressée, elle aussi, quelque part, à l'avant de la vie, à l'endroit où le mouvement est le plus rapide? Est-elle ainsi fanée parce qu'elle fut jadis bariolée? Veux-tu le lui demander? Aux seules femmes ne demande rien lorsque tu les vois nourrir des oiseaux. Tu pourrais même les suivre, rien de plus facile, car elles ne le font qu'en passant. Mais laisse-les en paix. Elles ne savent pas comment cela arrive. Tout à coup, elles ont beaucoup de pain dans leur sacoche, et une main surgit de leur mantille usée en tant de grands morceaux qui sont un peu mâchés et humides. Il leur est doux de penser que leur salive voyage dans le monde, que les petits oiseaux volent avec cet arrière-goût, encore que, naturellement, ils ne tardent pas à l'oublier. Et voici que j'étais devant les livres de têtu et que j'essayais de les imaginer, à la manière de ces étrangers qui ne respectent pas ton unité, de ces satisfaits qui se sont taillés une part dans toi. Car je ne connaissais pas encore la gloire, cette démolition publique d'un qui devient et dans le chantier duquel la foule fait irruption en déplaçant les pierres. Jeune homme, quelque part, en qui monte je ne sais quoi qui te fait frémir, profite de ton obscurité. Et si te contredisent ceux qui font fi de toi, et si t'abandonnent tout à fait ceux avec qui tu fréquentais, et s'ils veulent t'extirper, à cause de ta chère pensée, qu'importe ce danger visible qui te concentre en toi-même auprès de la maligne hostilité, plus tard de la gloire, qui te rend inoffensif en tes pendants. Ne demande à personne de parler de toi, même pas avec dédain. Et si le temps passe et que tu t'aperçoives que ton nom circule parmi les hommes, n'en fais pas plus de cas que de tout ce que tu trouves dans leur bouche. Pense qu'il est devenu mauvais et rejette-le. Prends-en un autre, n'importe lequel, pour que Dieu puisse t'appeler en pleine nuit, et tiens le secret à tous. Ô toi le plus solitaire, à l'écart de tous, combien vite ils t'ont rejoint en se servant de ta gloire. Eux qui si récemment encore étaient contre toi de fond en comble, voici qu'ils te traitent comme leur égal. Et ils portent tes mots avec eux dans les cages de leur présomption, et ils les montrent sur les places, et les excitent un peu, du haut de leur sécurité, tous tes fauves enchaînés. Et je te lus seulement, lorsqu'ils s'échappèrent et m'attaquèrent dans mon désert, les désespérés. Désespérés comme tu finis par être toi-même, dont la route est mal dessinée sur les cartes. Comme une fêlure, elle traverse le ciel, cette hyperbole sans espoir, qui ne s'incline qu'une seule fois vers nous et s'en éloigne de nouveau terrifiée. Que t'importait qu'une femme restât ou partît, que le vertige saisît quelqu'un et la folie quelque autre, que les morts fussent vivants, et que les vivants pussent sembler morts? Que t'importait tout cela? Tout cela était si naturel pour toi. Tu le franchissais, comme on traverse un vestibule, sans t'arrêter. Mais tu t'attardais et te baissais, là où notre devenir bout, se précipite et change de couleur, au-dedans. En un tréfonds où personne n'avait jamais pénétré, une porte s'était ouverte devant toi. Et voici que tu étais près des cornues, sous les reflets de la flamme. Là où tu n'emmèneras jamais personne, méfiant, c'est là que tu t'assis et que tu discernas les différences. Et c'est là, parce que c'était la force de ton sang de révéler, et non pas de former ni de dire, que tu as pris cette décision inouïe de grossir à toi seul ce fait tout menu, et que tu ne distinguais d'abord qu'au fond de tes éprouvettes, de telle sorte qu'il apparut à des milliers d'hommes immenses devant tous. Et ton théâtre fut. Tu ne consentis pas à attendre que cette vie, presque sans réalité dans l'espace, condensée par le poids des siècles en fines gouttelettes, fut décelée par les autres arts, qu'elle fut peu à peu rendue visible au petit nombre, et que peu à peu ceux-là, qui communieraient dans cette connaissance, finissent par désirer de se voir ensemble, confirmer ces rumeurs augustes, dans la parabole de la scène ouverte sous leurs yeux. Non, tu ne voulus pas attendre si longtemps. Tu étais là, et ces choses à peine mesurables. Un sentiment qui montait d'un demi-degré, l'angle de réfraction d'une volonté aggravée d'un poids à peine sensible, cet angle que tu devais lire de tout près, le léger obscurcissement d'une goutte de désir, et cette ombre d'un changement de couleur dans un atome de confiance, cela, il fallut que tu l'établisses et que tu le retinsses, car c'est en de tels phénomènes qu'était à présent la vie, notre vie qui s'était glissée en nous, qui s'était retirée vers l'intérieur, si profondément qu'on ne pouvait plus se livrer sur elle qu'à des suppositions. Tel que tu étais, révélateur, poète tragique et sans époque, tu devais d'un seul coup transposer ces mouvements capillaires en les gestes les plus évidents, en les objets les mieux présents. Et tu entamas alors cet acte de violence sans exemple, ton œuvre vouée de plus en plus impatiemment, de plus en plus désespérément, à découvrir parmi les choses visibles les équivalents de tes visions intérieures. Il y avait là un lapin, un grenier, une salle où quelqu'un allait et venait. Il y avait un bruit de vitres dans la chambre voisine, un incendie devant les fenêtres. Il y avait le soleil. Il y avait une église et un vallon rocheux qui ressemblait à une église. Mais cela ne suffisait pas. Les tours finirent par entrer et des montagnes entières. Et les avalanches qui ensevelissent les paysages comblèrent la scène chargée de choses tangibles pour l'amour de l'insaisissable. Et alors il arriva que tu fus à bout de ressources. Les deux extrémités que tu avais pliées jusqu'à les joindre rebondirent et se séparèrent. Ta force démente s'échappa du jonc flexible, et ce fut comme si ton œuvre n'avait jamais été. Qui autrement comprendrait qu'à la fin, tu n'eusses plus voulu quitter la fenêtre, têtu comme tu l'as toujours été? Tu voulais voir les passants, car la pensée t'était venue que l'on pourrait peut-être un jour faire quelque chose d'eux, si l'on se décidait à commencer. C'est alors seulement que je m'aperçus qu'on ne pouvait rien dire d'une femme. Je remarquai, quand il parlait d'elle, combien il la laissait en blanc, qu'il nommait et décrivait les autres, les environs, les lieux, les objets, jusqu'à un certain endroit où tout s'arrêtait doucement et pour ainsi dire prudemment, au contour léger qui l'enveloppait et qui n'en était jamais retracé. « Comment était-elle ? » demandai-je alors. « Blonde, à peu près comme toi, » disait-il. Puis ils énuméraient toutes sortes de détails qu'il connaissait encore. Mais aussitôt son image en redevenait plus imprécise et je ne pouvais plus rien me représenter d'elle. Je ne la voyais distinctement que lorsque maman me racontait l'histoire que je réclamais toujours de nouveau. Et chaque fois qu'elle en arrivait à la scène du chien, elle avait coutume de fermer les yeux et de tenir sa figure toute close et cependant partout transparente, avec une sorte de ferveur entre ses deux mains dont le froid touchait ses tempes. « Je l'ai vu, Malte, me conjurait-elle, je l'ai vu. » C'est durant ces dernières années, déjà, que j'entendis ce récit de sa bouche. Autant qu'elle ne voulait plus voir personne, et qu'elle avait toujours avec elle, même en voyage, le fin petit ami d'argent, par lequel elle filtrait toutes ses boissons. D'aliments solides, elle n'en prenait plus jamais, sauf un peu de biscuits ou de pain qu'elle miettait lorsqu'elle était seule, et qu'elle mangeait brin par brin, comme les enfants font la mie. Elle était alors toute dominée par sa crainte des aiguilles. Pour s'excuser, Elle disait aux autres, « Je ne supporte vraiment plus rien, mais il ne faut pas que cela vous dérange. Je m'en trouve fort bien. » Il arrivait cependant qu'elle se tourna subitement vers moi, qui n'était déjà plus tout à fait un enfant, et qu'elle me dit avec un sourire qui était pour elle un grand effort, « Comme il y a beaucoup d'aiguilles, Malte, comme elles traînent partout, et quand on pense combien facilement elles pourraient tomber. » Elle tenait à dire cela avec beaucoup d'enjouement, mais la terreur la secouait à la pensée de toutes ces aiguilles mal fixées qui à chaque instant pouvaient tomber de partout. Mais dès qu'elle me parlait d'Ingeborg, elle était soudain à l'abri de tous les dangers. Alors elle ne se ménageait pas, elle parlait plus fort, riait au souvenir du rire d'Ingeborg, et l'on voyait bien alors combien Ingeborg avait été belle. « Elle nous rendait tous joyeux, disait-elle, ton père aussi, Malte, oui, littéralement joyeux. » Mais ensuite, lorsqu'on dit qu'elle allait mourir, bien qu'elle ne parût cependant qu'un peu malade, et nous tournions tous autour d'elle et le lui cachions, elle se mit un jour sur son séant et dit droit devant elle, comme quelqu'un qui voudrait se rendre du son de sa pensée. « Pourquoi vous tenir ainsi sur vos gardes? Nous le savons tous, et je peux vous tranquilliser. Les choses sont bien telles qu'elles viennent. J'ai mon content. » « Songe un peu, elle dit, j'ai mon content. » « Elle qui nous rendait tous joyeux. Comprendras-tu jamais cela, Malte, lorsque tu seras grand ? Réfléchis-y plus tard. Peut-être comprendras-tu un jour. Il serait bon d'avoir quelqu'un qui comprenne de telles choses. » De telles choses occupait maman quand elle était seule. Et elle resta toujours seule durant ces dernières années. « C'est vrai que je ne trouverai jamais Malte, disait-elle quelquefois avec son sourire si étrangement téméraire, qui ne voulait être vu de personne et se suffisait à lui-même dans son accomplissement. » Mais que personne ne soit tenté de tirer cela au clair. Si j'étais un homme, oui, justement, si j'étais un homme, j'y réfléchirais dans l'ordre, du commencement à la fin. Car il doit y avoir un commencement, et si seulement on pouvait le saisir, ce serait déjà quelque chose. Ah, Malte, nous allons ainsi à la dérive, et il me semble que tous sont distraits et préoccupés, et ne prennent pas garde quand nous passons. Comme si une étoile filante tombait, et que personne ne la vit, et que personne n'eût fait de vœux. N'oublie jamais de faire ton vœu, Malte. Car il ne faut jamais cesser de désirer. Je crois qu'il n'y a pas d'accomplissement, mais il y a des vœux à longue échéance, qui durent toute la vie, de sorte qu'on ne pourrait même pas attendre leur accomplissement. » Maman avait fait monter le petit secrétaire d'Ingeborg dans sa chambre. Je l'y trouvais souvent, car on m'avait permis d'entrer chez elle à ma guise. Mon pas s'étouffait complètement dans le tapis. Mais elle me sentait et me tendait une main par-dessus l'autre épaule. Cette main n'avait aucun poids. Et je la baisais presque comme le crucifix d'ivoire qu'on me tendait le soir avant que je m'endorme. Devant le secrétaire dont le volet se rabattait, maman était assise comme devant un instrument de musique. « Il y a tant de soleil là-dedans, disait-elle. » Et en effet, l'intérieur en était singulièrement clair, de vieilles laques jaunes, avec des fleurs peintes, toujours une rouge, puis une bleue. Et là où trois fleurs se suivaient, une violette séparait les deux autres. Les couleurs et le vert de l'étroite bordure horizontale étaient aussi obscurcis que le fond était lumineux, sans être vraiment clair. Il en résultait un accord singulièrement assourdi de tons qui ne révélait pas au dehors leur mutuelle dépendance intime. Maman amenait les petits tiroirs qui tous étaient vides. « Ah, des roses !» disait-elle, et se penchait un peu vers la trouble odeur qui ne s'épuisait pas. Elle se figurait toujours que quelque chose encore pouvait tout à coup se retrouver dans un casier secret, auquel personne n'avait pensé, et qui ne s'ouvrait qu'à une pression sur quelques ressorts cachés. « Cela va se déclencher tout à coup, tu verras, » disait-elle, grave et inquiète, et ouvrait en hâte tous les tiroirs. Mais tout ce que réellement elle avait trouvé de papier dans les casiers, elle l'avait soigneusement plié et enfermé sans le lire. « Je n'y comprendrais quand même rien, Malte. Sûrement ce serait trop difficile pour moi. » Elle était convaincue que tout était trop difficile pour elle. Dans la vie, il n'y a pas de classe pour les débutants. C'est tout de suite le plus difficile qu'on exige de vous. On m'affirmait qu'elle n'était ainsi que depuis la mort terrible de sa sœur, la comtesse Olegarde Skill, qui brûla vive, un soir de bal, comme elle redressait les fleurs de sa coiffure devant une glace à candélabre. Mais dans les derniers temps, Ingeborg lui paraissait de toutes choses la plus difficile à comprendre. « Et maintenant, je veux écrire cette histoire telle que maman la racontait lorsque je l'en priais. » C'était au milieu de l'été, le jeudi qui suivit les funérailles d'Ingeborg. De l'endroit où nous prenions le thé sur la terrasse, on pouvait voir entre les ormes gigantesques s'élever le pignon de la sépulture de famille. On avait disposé les tasses comme si jamais une personne de plus ne s'était assise à cette table, et tout autour nous avions pris place très à l'aise. Comme chacun avait apporté, qui un livre, qui une corbeille à ouvrage, nous nous sentions même un peu à l'étroit. Abelone, la sœur cadette de maman, servait le thé, et tous l'aidaient,